Il n'y eut pas que de la colère entre nous. Parfois, c'est la frayeur et l'angoisse qui débarquaient, comme ça, sans dire bonjour. Madame Roberts, elle partait le matin, revenait le soir, ne soufflant mot. Je ne lui posais aucune question, sachant qu'elle n'y répondrait pas. Mais j'accueillais chacun de ses retours avec un réel soulagement, une impression d'avoir échappé au pire. Et dans ces moments-là, il y avait de la tendresse en elle, une sorte de gratitude. Peut-être sa façon de me dire qu'il ne fallait pas m'inquiéter, qu'elle était une grande fille, qu'il ne pouvait rien lui arriver de mauvais, n'est-il pas? Et je me demande s'il y croyait. Moi, toujours sur les charbons que j'étais, et ça n'a rien empêché, que dalle. Les flics m'ont appelé un jour, juste avant midi. Elle avait été transportée à l'hôpital au service des urgences, et puis c'est tout, hein. Les flics qui vont pas te faire un discours de sénateur, pour ce genre de fait divers qui n'intéresse personne. J'ai appelé un taxi, foncé aux urgences, dit que j'étais son père, sinon ils te laissent pas entrer, les salauds, et je me suis assis près d'elle, sans faire plus de bruit qu'un courant d'air. Elle dormait sous un drap blanc, un tantinet palichonne, perfusé dans le bras. Une longue estafilade zébrait une de ses joues. Elle a ouvert les yeux tout de suite, m'a regardé d'un air étonné. Comment avais-je pu être aussi rapidement près de son lit? Qu'elle a voulu savoir. C'est la police qui m'a prévenu. Vous aviez donc mon numéro de téléphone sur vous? Ai-je demandé. Il faut croire. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Juste que vous étiez aux urgences, alors j'ai foncé. J'ai pu avoir quelques explications, par elle d'abord, puis par une infirmière que j'ai questionnée à part. Elle était sur un vide-grenier, installée au pied des remparts. Il y avait beaucoup de soleil et peu d'ombre. Elle attrapait une petite insolation, rien du tout. Demain matin ou plus tard, elle serait de retour. Et l'estafilade, j'ai dû me griffer dans l'ambulance. Le discours de l'infirmière était différent. Sur le vide-grenier, Madame Roberts essaya les vêtements et s'apprêtait à repartir avec, sans passer par la case tiroir-caisse. Mais cette fois, le vendeur avait été moins tolérant que le marchand de galets de saucisses, et ça s'est terminé en bagarre, d'où sans doute l'estafilade. Et la police avait rappliqué au pas de charge, comme la cavalerie légère. C'est dans le fourgon des flics qu'elle a fait une syncope, suffisamment inquiétante pour que ces derniers la transportent aux urgences. « Ils ont eu raison, » m'a précisé l'infirmière, en arrivant ici. « Votre fille était complètement déshydratée, une tension à 8 et un rythme cardiaque inquiétant. Est-ce qu'elle dort bien? Je ne sais pas. » Et je mentis. « Je ne vis pas avec elle. » Je n'aurais pas su expliquer le pourquoi du comment de ces insomnies à répétition, sans parler du reste, et je ne m'en sentais pas le droit. « Vous pensez qu'elle va rester longtemps ici ?»« Je ne sais pas, mais son état nécessite de nombreux examens. Il faudra patienter plusieurs jours, je suppose. » Entre midi et deux, j'étais allé manger un truc vite fait à la cafétéria. Je lui avais apporté une bouteille d'eau gazeuse. Elle en avait envie. Je suis resté encore un bon moment avec elle, sans rien dire, juste la regarder, et elle non plus ne parlait pas. En fin de journée, on est venu la chercher pour la transférer dans un service. Je lui ai dit au revoir et aussi que je reviendrai demain. Puis j'ai quitté l'hôpital et suis rentré chez moi à pied, car je n'avais plus assez de pognon pour prendre un sapin. Dans la rue Chateaubriand, qui va de l'hôpital au centre-ville et qui grimpe raide, j'ai fait une petite pause, histoire de reprendre mon souffle. Je voyais, comme dans un film, le petit moineau défait aux prises avec un gros con de salopard, qui était venu sur ce vide-grenier vendre les fringues de sa grosse pour se payer une rafale de bière au bistrot du coin. Comment que je lui aurais écrasé la gueule au pourri? Et puis je voyais, moins nettement, mon pote Momo, qui ne s'appelait pas encore Momo, sortir d'un de ces hôtels particuliers qui bordent la rue, au bras d'une belle femme un peu hautaine, et devant le couple de mômes habillés chez Thierry qui se disputaient une barre de chocolat. Et je pensais qu'à cet instant précis, on peut dire au moment où l'un des deux mômes allait mordre dans la barre chocolatée, Momo, qui ne s'appelait pas encore Momo, était loin d'imaginer qu'un jour il serait sur les marches du centre social, à 400 pas d'ici, en train de quémander de la mitraille pour la soupe du soir et le kill de rouge. Il boit que du vin bouché, en ce moment, faut bien assurer le standing. Mais quand tu manges chaud au ras du sol, que le temps est frisqué, n'importe quel pinard fait l'affaire. Nous étions à la fin du mois d'août, l'air était chaud, même en soirée. J'ai repris ma route, heureux d'avoir retrouvé Madame Roberts et inquiet de la suite. J'allais lui prendre un abonnement téléphonique, comme ça elle pourrait me joindre avant l'arrivée des flics. Merde. C'était pas normal, à notre époque, d'être sans moyen de communication. À la première heure demain, plutôt que de lui apporter des fleurs, je lui poserai l'appareil sur la table de chevet. Il n'y aura pas beaucoup de paroles, tenez, c'est pour vous. À l'hôpital, faut pas trop jacter, rapport aux voisins de lit qui veulent dormir pour oublier. Bien étonné qu'elle sera de me revoir si tôt, Madame Roberts. Juste après la prise de sang et le café jus de chaussette. Pareil que les visites sont interdites le matin à cause du travail des infirmières. Faut pas déranger le personnel. Et les toubibs grand ponte, les diaphorus en chef, qui font que passer à toute berzingue, ils mettent la courbe des températures d'un geste blasé, te tripotent le pouls en regardant leur montre, une Rolex, parce que la cinquantaine approche. Et ce barailleur, toujours pressé, toujours. Je m'arrangerai pour me faufiler entre les défenses, furtif, pas plus visible qu'une chiure de mouche. La discrétion, ça me connaît, bon Dieu. Et puis quoi? L'hosto, c'est pas la Banque de France, hein? Sûr qu'elle en fera de l'étonnement, la Miss Roberts. Comme ça que je la nomme, en intime, quand le temps est à l'orage. Elle me balance du campagne, en représailles, et parfois même du bouseux, si la colère augmente. Avec le téléphone portable, je mettrai un bouquin pas trop chiant et drôle, si possible, un Pénac. Oui, ça va lui plaire, un Pénac. Le charivari dans sa tête en me revoyant au petit jour, plus savoir si c'est du lard ou du cochon. Entre deux examens, j'entrerai dans la chambre en relisant quelques pages de Pénac. Ou bien mieux encore, si le lit d'à côté ressemble à une forme humaine, je lui raconterai plein d'histoires fabuleuses sur Madame Roberts à la forme humaine. Je lui dirai que sa présence ici est une erreur judiciaire comme Dreyfus, un complot des connards qui vendent leurs fringues et celles de leurs femmes au vigne-grenier des remparts. J'aurai de la vérité dans la voix, et aussi du tonnerre, que l'alité se fera tout petit au fond du pieu, replié en chien de fusil. Place du Clou, j'ai croisé un mec qui m'a salué. Je savais pas qui c'était sur le moment. Et après, je me suis rappelé un des costauds barbus qui avait invité Madame Roberts au restaurant et qui s'était fait soulager de quelques billets. Au final, c'est moi qui avais remporté la mise et nous avions becqueté ensemble des barquettes réchauffées au micro-ondes. Déjà loin, tout ça. J'aurais voulu le retenir par la manche, le mec, d'autorité, lui dire que la danseuse de flamenco. Fallait plus espérer pour la chose. Il pouvait se la mettre sous le bras, surtout maintenant qu'elle avait pris ses quartiers au lit blanc. Et j'allais m'occuper d'elle, la bichonner moelleux au chocolat. Dans l'immeuble, comme toujours, il y avait la Bronski à faire les cuivres au chiffon de laine, du soigné. J'étais en rage contre cette folle, qui s'attribuait des fonctions à l'arraché névrotique. En comparaison, je trouvais Madame Roberts pleine de bon sens. La vie est injuste, que j'ai créé la pipelette contrefaite, très injuste. Et puis au dernier étage, avant d'entrer chez moi, j'ai sonné à la porte de Monsieur et Madame Maréchal. Jamais encore je ne l'avais fait, sonner sans raison. C'est Madame Maréchal qui m'a ouvert. Pas besoin de sel, non, besoin de parler d'elle, encore et encore, de raconter mon chagrin. L'abomination d'un petit corps fluet caché sous un drap blanc. Les yeux tristes tournés vers un mobile homme, là-bas, un messie pâlisson. Les plénaries du Mali, où un puits l'attendait. J'ai dit à Madame Maréchal de m'excuser par avance si la musique tapait trop ce soir. Je fêtais ci et ça. Impossible d'y échapper. Mon amie, eh oui, elle allait me rejoindre plus tard, après son taf, aux pensées. Elle et moi, on va guincher toute la nuit, sûrement du flamenco. Et le flamenco, c'est bruyant, hein? Alors d'avance, pardon pour les nuisances, Madame Maréchal. Je me suis fait fricheter à la va-vite, avalé deux bières, un cacheton qui fait planer, terminus. Une heure plus tard, j'étais au lit, et je pionçais profond. Elle me tira du sommeil au matin très tôt. J'en revenais pas. « Levez-vous, me dit-elle. J'ai préparé le café, bien fort, comme on l'aime. »« Qu'est-ce que vous foutez là ? » demandai-je, éberlué. Elle éluda la question. « Vous avez mauvaise mine, monsieur Campagne, n'est-il pas ? » ?»« J'ai dansé toute la nuit. Je ne vous crois pas. »« Je sais, vous ne me croyez jamais rien de ce que je dis, ni de ce que j'écris. » La conversation se poursuivit à la cuisine, devant les bols de café. « Faut pas m'en vouloir, j'étais énervé. » Mais avouez que votre écriture n'est pas facile. Je ne pourrais jamais m'y faire, elle m'écorche trop les yeux. Et franchement, ce duel avec Houellebecq, dans une maison close de Pattaya, qui pourrait avaler une pareille ineptie? S'il avait lieu avec un inconnu, ça passerait mieux? Sans doute. En vérité, je n'ai jamais rencontré Houellebecq et je ne suis jamais allé à Pattaya. Si j'invente des conneries, c'est parce que la vérité parfois est trop difficile à écrire. J'ai besoin d'une pommade. D'autres écoutent un air d'opéra, moi j'invente des histoires. Et ça fonctionne ? Pas toujours. Parfois, emporté par la fièvre, pris de nausée, je vomis l'indicible, de grosses gerbes puantes. Après, je déchire. Faut être courageux pour se raconter, faut museler sa pudeur ou sa honte. Je n'ai pas ce courage. Mais dites-moi plutôt ce qui vous amène ici. Quoi ? Vous ne voulez plus de colocataires ? Demanda-t-elle en riant. Ce n'est pas la question. Vous aviez des examens à passer ce jeudi, plusieurs examens. Est-ce bien raisonnable ? Je vais très bien. L'hôpital, je connais. On y entre plutôt pas trop mal. On passe des examens et on sort plus malade qu'en entrant. Et puis je n'ai pas de mutuelle. Je me suis esquivé sans faire de scandale. J'avais plaisir à l'écouter me dire des choses qui sentaient les emmerdes à plein nez. Comme j'avais plaisir à la regarder, elle était encore plus belle. Son visage était serein, éclatant de santé. Je pense que là-bas, mine de rien, ils avaient bourré ses perfusions de produits soporifiques. Elle avait roupillé ses 12 heures d'affilée comme une pierre. Et ça lui allait bien, cette overdose de sommeil, vrai. L'esprit aussi allait mieux. Il s'était refait des couleurs. Elle jactait beaucoup moins vite, répondait à mes questions même les plus intrusives, se racontait tout en douceur. Elle m'expliqua son aventure au vigne-grenier des remparts. Une envie de changer de fringue subite. Pas de la frime, non. Les siennes étaient aussi belles, pas de fraude non plus. Juste changer de peau, être quelqu'un d'autre. Elle avait déjà connu ça, 10 ans plus tôt ailleurs. Et cela s'était beaucoup plus mal terminé. Toute une famille qui s'était ruée sur elle l'avait dépouillée violemment puis abandonnée, nue, sur un trottoir, au milieu de la foule. Ce genre d'histoire, tu ne l'inventes pas, hein ? Je suis allé faire du café, elle attendit mon retour, sagement, pour prendre le filet, bien sûr. J'allais pas rater l'occasion. Je causais rien, aux aguets. Elle a juste précisé, avant la reprise, « Si ça vous empête ce que je raconte, dites-le-moi. » J'ai répondu que non, bien au contraire. Tout ce qui vous concerne m'intéresse. Je ne sais rien de vous. Fallait l'encourager avant le retour de la bête, la stimuler. Les petits moments confidents, ils ne seraient pas nombreux. J'avais deviné. Je me suis écarté un peu de la lumière, comme un curé dans son confessionnal, pour la discrétion. Après avoir bu le café, je voulais boire ses paroles. Je pressentais du grandiose et ce fut du pathétique sordide. Un truc pas racontable si t'as du respect ou de la considération. Et je me suis juré de ne jamais rien répéter. Bouche cousue, fil d'acier. Même sous la torture, je vais rien balancer. Au pire, ce sera juste entre nous. La feuille blanche et moi, sans risque de fuite, jamais.